J'ai la tête plongée dans le noir, alors du coup je suis nique ta lope. Je fume un verre et je pense à une maman fixe salope. Excusez-moi pour ma sincérité, je rappe ça avec sérénité. Je peux pas connaître mon art grâce à leur show télévisé. Faut réviser votre rap car j'ai un placé la barre haute. Faut que je fais vibrer les salles, même les malons barreaux. Trop de questions qui tarot, donc je parodie la vie d'un homme sage. Ce qui se passe dans ma tête me dit que je descends de l'homme singe. Je singe le monde, mais l'homme m'inquiète, alors du coup je l'écris. Un plan me dame est proposé, je t'avoue, je suis séduit. Alors on se perd dans nos pensées, je suis pas là, je te file mon tel. Écoute mes sons, ils auront sur toi des effets immortels. Trois pilons à mon actif, fous feu avec rien de concret. Pour accéder à ma matrice, il te faudra prendre un ticket. Je t'ai glacé le sang, y'a pas que l'instru qui est pas. Donc je fais du bien comme une salope qui m'a confié être partant. Voilà pourquoi je vis, écoute ce son, c'est percutant. J'emmerde qui m'ont dit que dans le rêve, faire du temps. Malgré les doutes et les douleurs, je me relève et bien plus fort. Et faire à classe pour 2012, va faire péter ton décor. Voilà pourquoi je vis, écoute ce son, c'est percutant. J'emmerde qui m'ont dit que dans le rêve, faire du temps. Malgré les doutes et les douleurs, je me relève et bien plus fort. Et faire à classe pour 2012, va faire péter ton décor. Je vis les deux pieds dans la merde, mais ça c'est quand je sors pieds nus. Je suis noir dans le game, tu diras pas que je t'ai pas prévenu. J'ai du respect pour tout le monde et de l'amour pour les miens. Ce morceau se foutra du conflit israélo-palestinien. C'est juste un coup de tête, un bon steak, un remake de Scarface. Tous les coups traître un coup de maître lyricalement en souplesse. Cherche pas garçon, avec les mots moi je fais de l'art. Pas de politique, fuck les fachos, avoue quand même ça sent bizarre. J'adore partir dans tous les sens, moi je refile de l'information. Je grave des paix sur mon temps juste pour l'honneur de la nation. Je compose avec passion, un peu de haine et du spectacle. Le président sur ce morceau, sur le siège éjectable. Je suis ni de droite ni de gauche, moi je vois ça en diagonale. Mes sons dans l'hexagone, juste un rap simple qui se dévoile. Y'aura pas de CD en Fnac, ça passe trop calme quand toi tu fraudes. Un site web pour 2012, t'inquiète, la suite s'annoncera chaud. Voilà pourquoi je vis, écoute ce son, c'est percutant. J'emmerde qui m'ont dit que dans le rêve, faire du temps. Malgré les doutes et les douleurs, je me relève et bien plus fort. Et faire à classe pour 2012, va faire péter ton décor. Voilà pourquoi je vis, écoute ce son, c'est percutant. J'emmerde qui m'ont dit que dans le rêve, faire du temps. Malgré les doutes et les douleurs, je me relève et bien plus fort. Et faire à classe pour 2012, va faire péter ton décor. Je suis sans cracher dans la soupe, conscient de la chance que j'ai. Je suis ce mec un peu maroule qui passe sa vie dans ses projets. Dans notre QG, y'a du matos, des idées, mais peu de poussage. Comme si mon cerveau était en grosse phase de formatage. Certains ont le cul entre deux chaises, moi j'ai le mien aussi noche. J'ai le mental de Boudou et la paresse de Macintosh. Je te fais des phases énormes, je les comprends pas toujours. Tout ce que je sais sans faire le show, c'est que je viens balancer lourd. C'est soit t'aimes ou soit t'aimes pas, dans les deux cas que je me pardonne. Si les gens croient ou qu'après ça, mon projet phare c'est un album. Je suis bien là, je passe un message à toutes les âmes égarées. Je suis comme vous devant ma chat, je me sentirai charmé. J'ai alarmé les troupes pour leur dire qu'il faut que ça cesse. Mon rap est dur, mais malgré tout, peut te faire sentir une caresse. On s'intéresse à moi quand on a compris le potentiel. Je parle peu, je suis droit, dis-moi y'a quoi de plus essentiel. Voilà pourquoi je vis, écoute ce son, c'est percutant. J'emmerde qui m'ont dit que dans le rêve, faire du temps. Malgré les doutes et les douleurs, je me relève et bien plus fort. Et faire à classe pour 2012, va faire péter ton décor. Voilà pourquoi je vis, écoute ce son, c'est percutant. J'emmerde qui m'ont dit que dans le rêve, faire du temps. Malgré les doutes et les douleurs, je me relève.